15ème sans ascenseur. Tu te réveilles et il est 15h. Un mec marche sur tes baskets neuves. Ton ami d'enfance devient inspecteur. Tu manges 4-0 à PES. Pas de cash, pas de meuf, c'est la haine. Quand ton poteau te mène Rodka. Mais non, tu la ken sans podka. Tu galères avec ton RMI. Tu fais péter au volant sans permis. Tu vends des thunes, t'es sur messagerie. Ta meuf te trompe avec tout Paris. Quand les videurs te mettent un stop. Que tu reviens avec une cagoule et un cloque. Quand les poulets font toc toc toc. Ouais gros, ouais gros. Truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf. Dès que je fais ce morceau, ça part en coup. J'aperçois des hooligans dans la foule. Truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf. Pour les petits jeunes et pour les anciens. Kennedy fracasse les enceintes. Comment la coke est devenue fashion. Dans les cartables, les jeunes ont des guns. T'as une embrouille, une équipe de course. Ta daronne trouve tes films de boule. Tu sèmes la PAC avec ton T-Max. Ton daron t'a vu en train de bédard. Quand la fourrière te soulève ta caisse. La nouvelle tendance c'est faire une sextape. Quand tes photos jacques dans ton dos. Que ta meuf devait un parloir fantôme. Elles veulent toutes se refaire les tétés. Passer du bonnet B au bonnet D. Elle ne t'aime pas, elle aime tes tues. Quand les flics trouvent ton shit et le fur. Pour sortir les petites sœurs font le mur. Ouais gros, ouais gros. Truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf. Dès que je fais ce morceau, ça part en coup. J'aperçois des hooligans dans la foule. Truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf. Pour les petits jeunes et pour les anciens. Kennedy fracasse les enceintes. Quand le distributeur avale ta carte. Est-ce qu'on a fun un piercing à la chair. Quand tu retrouves tes cheveux dans ton grec. Quand je saute dans la foule en concert. T'as raté le dernier métro. 3 gyrophares dans ton rétro. Kennedy défroye au micro. Ouais gros, ouais gros, ouais gros. Truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf. Dès que je fais ce morceau, ça part en coup. J'aperçois des hooligans dans la foule. Truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf. Pour les petits jeunes et pour les anciens. Kennedy fracasse les enceintes. Truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf. Dès que je fais ce morceau, ça part en coup. J'aperçois des hooligans dans la foule. Truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf. Pour les petits jeunes et pour les anciens. Kennedy fracasse les enceintes. Ah la famille, truc de ouf hein. Foulek, Paro, Hella, Dawa, si si, Kennedy, ouais gros, ouais gros, ouais gros.